du mousseux. Céline aime les hommes un peu vieux. Céline boit du mousseux. Mais la nuit elle dort toute seule, et à Metz elle est toute seule. Dans son lit elle est toute seule, et moi, et moi, je suis tout seul. Mais Céline boit du mousseux. Céline boit du mousseux. Céline a les yeux bleus. Céline boit du mousseux. Mais la nuit elle dort toute seule, et à Metz elle est toute seule. Dans son lit elle est toute seule, et moi, et moi, je suis tout seul. Mais